excusez-moi, mais je ne peux plus composer, et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai plus de papier. C'est la misère, je n'ai plus de cahier, je peux en sa mère, je n'ai plus de papier.